Guy Armougui. Allez, de plus en plus méchant. Attention. Ça va les amigos? Yes. Très longtemps, hein. Et si je vous dis groupe mythique, vous me dites Benny B. Et ça m'étonne peu, parce qu'il n'y a personne qui en touche une en musique dans cette émission. Franchement, vous êtes que des escrocs. Je parlais musique avec Leïla l'autre jour, elle me dit, moi ce que j'aime bien, c'est quand ils font avec le piano. Allez, je dis pas qu'on doit tous être Philippe Manœuvre, mais il y a un minimum, quand même. Daniel, il m'a dit, mon chanteur préféré, c'est René Lataupe, mais que quand il joue Unplugged. Et ben, le blind test ici, c'est un écran de fumée. Il y a que Morgane qui s'y connaît un peu, c'est parce qu'elle est sortie avec Hugo Frey en mai 68. Et en plus, que quand c'est Céline Dion. Non, le groupe mythique, c'est Abba. Qui fait son grand retour. Putain, c'est la période des retours. En Abba, hologramme, ouais. Abba, moi. Qu'est-ce qu'on a tous à revenir comme ça? Même Diana Ross revient, mais on s'est même pas concerté. Non, Abba, quoi. Putain, toute mon adolescence, Abba. Qu'est-ce que j'ai pu emballer, moi, sur Waterloo? Vraiment, à l'époque, j'étais étudiant chez Sephora, à la Noël. Il y avait Abba en fond sonore, j'arrêtais pas d'emballer comme ça, je faisais du set parfum à l'heure. Hein. Bonne blague, je reviens dans l'émission, avec des jeux de mots. C'est comme ça, c'est que vous lisez pas mes textes, vous assumez maintenant, c'est comme ça. Non, en vrai, j'aime beaucoup Abba. C'est des mélodistes incroyables, quoi. Ils sortent un nouvel album après 40 ans. Activité. Sur France Info, ils disaient ils ont entre 71 et 76 ans, on sent que c'est un album de la maturité. C'est pas vrai. Ah, ils ont le temps de maturer, quoi. C'est, Abba, c'est le bœuf au goût de la musique, quoi. Ça fond sous la dent, franchement. Dans l'interview sur France Info, l'un des biographes d'Abba, il disait que les textes étaient, je cite, plutôt adultes. Ah bah, heureusement, si t'es pas adulte à 76 ans, tarde pas trop, quoi. Parce que t'auras pas tant d'années que ça pour sortir de l'adolescence. Hein. À 76 ans, je crois qu'il y a que Jeanne Calment qui est en mode, mes parents, ils font chier, on peut jamais rien faire en cette baraque, tu vois. Avec ses parents qui disaient, si t'arrêtes pas d'être sur TikTok, tu vois, je reviens avec des interprétations. Voilà, c'est le nouvel Ernesto. Ah ouais. Alors, l'album de la maturité, ça m'a fait rire. Ce qui aurait été vraiment fort, c'est qu'Abba, il sort un featuring avec Caris, tu vois. Waterloo dans ta mère, en autotune, avec des punchlines sur les Bee Gees. Ouais, ils sont flingués, vos barbes. Mais en suédois, tu vois. Et c'est vrai, quoi. Ce qui m'interpelle dans le retour d'Abba, c'est surtout la série de concerts qu'ils vont donner à Londres à partir de mai. Sur scène, il y aura leur hologramme. C'est vrai. Imagine la technique se trompe et c'est Mélenchon qui arrive, tu vois. En mode La République, c'est moi, La République, c'est moi. Avec les fans qui font, oh putain, il a changé, Björn, vraiment. Non, ce qui m'interpelle, c'est que le groupe, il estime que jouer avec leur apparence d'aujourd'hui serait un peu pathétique, quoi. Du coup, leur hologramme, ce sera la représentation de comment ils étaient en 79. J'en parlais avec Nagui, qui me disait, bah, c'est comme la peine de mort, je suis pour. Nagui me disait qu'il était en égo avec Inter pour mettre son hologramme de 79 dans la bande originale. Et c'est pas un luxe, hein, c'est pas tout d'avoir des souliers de jeunes. C'est vrai, moi j'ai revu des images de la brosse à dents. Ah bah, c'est vrai que ça a une autre pêche. Hein. Et en plus, ils ont tout colorisé à l'INA, c'est vraiment bien. Tu vois. Et sincèrement, je trouve ça un peu triste qu'Abba se sente obligé de jouer avec leur apparence 79. En plus, j'ai écouté l'album, la Voyage, bah, y a bien moyen de le jouer assis, hein, je te le dis. Même sur une méridienne, tu peux le jouer. Enfin, le pied à l'air entre moi sans l'oignon, tu peux le jouer. C'est très, très sage, c'est très harmonieux, c'est très bien peigné. Vous allez me dire, ouais, mais jouer leur tube disco à leur âge, c'est plus compliqué. Alors, je vous répondais bien Nile Rodgers, mais je crois qu'il n'y a personne qui voit qui c'est autour de cette table, à part Morgane, via Hugues. mais c'est vrai, cette histoire d'hologramme, c'est juste c'est pour le public d'Abba que c'est pas juste, quoi. Parce que le public d'Abba, souvent, il a l'âge d'Abba, quoi. Je crois que le public aussi, tant qu'à faire, il aimerait bien avoir son hologramme de 79 dans la fosse, tu vois, histoire de pouvoir danser sur Mamma Mia sans démonter ses cartilages, c'est vrai, tu vois. Et je vous promets que l'autre jour, au nord de Stockholm, il y a eu deux morts dans un concert hommage à Abba, je crois que c'est vrai. C'est triste. Ouais. Un octogénaire qui est tombé sur un sexagénaire. Franchement, je vous promets. Je vous promets que c'est vrai. C'est glauque as fuck, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est triste. Moi, j'ai quasi 40 ans. Moi, je me comporte plus au concert comme quand j'en avais 20. Quoi. À 20 ans, moi, je sautais dans tous les sens. Je criais, je jetais ma bière sous les sourcils des gens et tout. J'avais tellement kiffé ce concert de Barbara. Je me rappelle très bien. C'était Pogo sur Pogo. L'aigle noir en James style. Il y avait une magie, quoi. Tu vois, j'étais jeté dans la foule. Barbara, on lui avait fait une chime. Je me rappelle. Inoubliable. Ah ben, aujourd'hui, à 40 ans, au concert, quand je suis en grande forme, j'arrive à taper du pied, quoi. Tu vois, vraiment, quand j'ai plus la force d'applaudir, je qu'au rappelle, sauf si j'ai bu un ristretto avant. Vraiment, moi, je suis plus le même homme qu'à 20 ans, mais c'est pas très grave en soi, vraiment, tu vois. Cette histoire d'hologramme, ça gâche un peu notre retour, je trouve, à notre tour à Abba et à moi. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Merci, Guillermo.